En Corée, le stade de Hamon a abrité le 11 courant la cérémonie d'ouverture des compétitions sportives pour le prix flambeau de Songun. Y ont pris part les cadres intéressés, les sportifs, ainsi que les travailleurs, les jeunes étudiants de la ville de Hamon. La cérémonie terminée, il y a eu le match de football masculin entre les équipes des provinces du Hamgyong du Sud et du Tsagang. Les joueurs disputeront à Hamon, à Pyeongsong, à Sarion, etc. les matchs d'une dizaine de disciplines, notamment football, basketball, volleyball et ping-pong.